Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois Monsieur Charles Ancé. Bonjour Charles. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation qui était un peu spontanée. Pas de problème. Et puis de vous soumettre donc aux questions de Caprice de lecture. Alors, pour nos auditeurs, je rappelle un petit peu le schéma. Donc, 5 questions entièrement dédiées à l'invité du jour avec des coupures musicales que vous avez choisies, que vous pourrez nous présenter aussi d'ailleurs. Bien sûr. Et puis, on termine l'émission toujours avec ce qu'on appelle le Caprice de la semaine qui est présenté par notre invité, qui peut être une lecture de roman, BD ou autre, qu'il l'a marqué et qu'il souhaite faire partager aux auditeurs. Est-ce que vous êtes prêts ? Très bien. Alors, on y va. Alors, vous avez eu un début de parcours et un début de vie qui n'avait absolument rien à voir avec votre talent d'aujourd'hui. Comment passe-t-on de l'usine au métier d'éducateur et au multimédia? Disons que pour résumer, ma vie est une suite d'échecs ininterrompus. Donc, je suis allé à l'usine quand j'avais 14 ans. Ouais. La sidérurgie a fait faillite. Ouais. Je suis allé au séminaire, ça a été l'écroulement de la religion catholique. Et j'ai fini ma carrière à la sécurité sociale. Donc, chaque fois que je vais dans un endroit, ça s'écroule. Donc ça me donne un certain pouvoir, c'est-à-dire que si, par exemple, j'adhère à la SNL, qui est en première division, il va maintenant passer en deuxième. Donc l'intérêt, c'est que si un parti politique me gilet dans le nez, j'adhère au parti politique et il s'écroule. Voilà. Donc c'est quand même la puissance de, tout, de ne rien réussir. Voilà. Quel donc, succès, du coup. Voilà, non, il faut toujours positiver. Ah oui. Et donc, ce qui s'est passé, donc j'étais à l'usine, je n'ai jamais pu faire tenir un trou droit, ni souder deux bouts de ferraille ensemble. Alors, est-ce que c'était quelque chose... Je sais que dans les familles, à l'époque, c'était comme ça, on arrêtait l'école, on allait à l'usine, parce que le papa ou le grand-père y avait été. À 14 ans, on passait le certificat d'études, et on allait à l'usine. Et donc, j'étais une famille ouvrière, et personne ne pouvait comprendre que j'échoue dans les travaux matériels. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toi ? C'est pas que t'es bon à rien, mais t'es mauvais dans tout. Voilà. Donc finalement, j'ai réussi à, j'ai pris quelques cours du soir. Alors j'ai eu une chance quand même, c'était les années 60. Et à l'époque, le métier d'éducateur commençait à se développer. Donc les études étaient payées. On passait un examen d'embauche. D'accord. Okay. Et on payait les études. Voilà. Donc j'ai eu une formation d'éducateur. Et puis, j'ai travaillé comme éducateur sur le quartier du Lièvre. Et donc, il fallait faire des activités. Et pour attirer tout le monde, il fallait faire des petits dessins. Ouais. J'ai commencé comme ça. Donc, j'ai fait des dessins. Et puis, les dessins ont été remarqués. Après, j'en ai fait dans les Républicains. Et un jour, j'ai été appelé par Michel Kuhn, qui avait une émission à FR3. Qui a fait une émission qui marchait bien, qui s'appelait Continental, et qui venait d'acquérir des tablettes graphiques. C'était les premières tablettes graphiques qu'il y avait. Donc, la station FR3 de Nancy était pourvue de ça. Donc, ils ont fait appel aux dessinateurs locaux. Donc, d'accord. On y est avec quelques copains. Donc, certains ont fait des carrières extraordinaires. Il y avait Baruella, qui est pris d'Angoulême, le Fred Touron, qui est du Canard enchaîné, Kafka, qui a fait, comment ça s'appelle, Groland. Ouais. Voilà. Ok, moi je trouve ça chouette. Vous appelez ça une succession d'échecs. Moi je trouve que c'est des opportunités extraordinaires. Ouais. Alors justement, vous parliez de votre métier d'éducateur. Est-ce que ça vous a inspiré ce métier justement d'éducateur pour faire parfaire un peu votre inspiration et tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ? Disons que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que dans le métier d'éducateur, on est confronté souvent à des situations difficiles. Et dans ce que je faisais en graphisme, c'était plutôt, pour dire, ça s'apparente plutôt aux grosses conneries. C'est-à-dire que c'était, j'ai travaillé dans le fluide glacial, enfin dans des choses comme ça. Donc ça n'avait aucun rapport avec la réalité qui était vécue dans un quartier comme le du Lièvre. Voilà. Okay. On va faire une coupure musicale. Alors, est-ce que vous souhaitez nous la présenter, cette coupure musicale? Alors, je vous ai demandé de passer le chef-d'œuvre immortel de Bourvil qui s'appelle Les Haricots, qui est tiré d'une une opérette de. Comment il s'appelle, Lopez. Et l'anecdote, c'est que c'était Georges Guettari qui devait jouer dans cette opérette. D'accord. Et personne ne voulait de Bourvil, qui était le dernier des clodos à l'époque-là. Et on l'a embauché pour jouer dans cette opérette. Et au premier sifflet, il aurait été viré sans indemnité. Et je trouve que c'est vraiment toujours une chanson qui m'émeut le cœur. Et il faut, enfin, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je laisse les auditeurs apprécier cette immortelle chanson. Alors, on écoute tout de suite et on vous retrouve juste après. On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'on a poème. Je vais chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier cocorico. Ah, qu'il est doux quand vient l'aurore de voir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, la rose est éclose. En été, le coquelicot. Mais quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Plus tard, les paysans de France, s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites pressaient de la main du bourreau qui les jetant dans la marmite met à bouillir les haricots. Et lorsque vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois mon âme pleure, car c'est la fin des haricots. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture, toujours en compagnie de Charles Oncet qui nous parle de sa vie. Charles, j'avais une troisième question pour vous. Votre livre, Le Rayon N, donc, nous raconte l'histoire du Rayon N, mais aussi de son, on va dire, de son inventeur ou de celui qui l'a découvert, René Blondelot. Comment vous est venue l'inspiration d'écrire cette BD? Est-ce que vous avez été convié à des événements liés à ça? Ou est-ce que voilà, vous avez lu un truc? Ou comment ça s'est passé? D'une manière générale, je suis intéressé par l'histoire de la Lorraine, l'histoire de Nancy. Et bon, j'étais tombé sur l'histoire de René Blondelot, qui est paradoxalement beaucoup étudié dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que René Blondelot était convaincu d'avoir découvert un rayon qui était supérieur au rayon X, parce qu'à l'époque, le rayon X, on ne savait pas ce que c'était, c'est pour ça que ça s'appelle X. Et il avait trouvé le rayon N, le rayon de Nancy, qui était plus fort que le rayon X. Le grand problème, c'est qu'aucune université n'avait pu calculer la longueur d'onde du rayon N. Et donc, la Revue Science, qui était aux États-Unis, a envoyé ici un professeur de physique qui a essayé de trouver comment fonctionnait le rayon N, et jamais il comprenait. Et il a enlevé un appareil du dispositif de Blondelot, et Blondelot continuait à faire sa démonstration. Comme quoi, c'était pas une supercherie, c'était que Blondelot était tellement convaincu d'avoir raison. Et puis, c'était une sommité scientifique extraordinaire à l'époque que personne n'osait le remettre en cause. Ouais. Et là, il a été complètement démonté par la Revue Science. Mais il n'a jamais voulu reconnaître qu'il avait tort. Et à la fin de sa vie, il a fait don de ses biens à la ville de Nancy. C'est le parc Blondelot qui est près de la gare. Et il y a une rue, la rue des Blondelots, qui honore les Blondes de Nancy. Mais j'invite tous les auditeurs qui sont intéressés par aller sur le rayon N. Ceux qui parlent anglais verront aussi sur les sites anglo-saxons. C'est vraiment quelque chose qui prouve que Nancy, dans le monde entier, est connue, même dans la banlieue de Melbourne, en Australie. Voilà. OK. Alors, vous avez été président de RCN pendant plusieurs années. Voilà. Est-ce que cette aventure radiophonique et humaine vous a-t-elle inspiré certains sujets ou peut-être alors certains livres, BD, certains... Ah non, c'était... Pas du tout. C'est autre chose. Disons que c'est pas mon truc. Hein. J'étais là, j'ai jamais su trop dire non, mais en fait, c'est une radio où, comme ici, il y a des salariés. Ouais. Et donc, c'était pas... Enfin, j'ai pas vraiment la... les épaules d'un dirigeant. C'est-à-dire que je l'ai fait pour rendre service, okay. Mais j'étais ami avec Christophe Chevardet, qui a été aussi président. J'ai demandé de reprendre la main, parce qu'il faut quand même rentrer presque, je crois que c'est 200 000 euros par an pour faire tourner une radio. Donc, je les avais pas. Tous ces objectifs-là, puis ça vous, peut-être que ça ne vous passionnait pas ou... Non, voilà, c'est pas mon truc. C'est-à-dire que il fallait... Il y a des difficultés. C'était une période de difficultés. Mm-hmm. On m'a demandé de le faire, mais je l'ai fait pour rendre service. Oui. Mais c'est pas... Mais pas fait par conviction ou passion. Non, c'est pas... Okay. Je suis pas un homme de radio. D'ailleurs, on voit bien comme je bafouille devant le micro. Oh là là, oui, suite, mon Dieu. Vous êtes obligé de faire plein de montages, plein de... Ça va être terrible. Ça me fait peur. On va faire une deuxième coupure musicale, si vous voulez bien nous la présenter. Cette deuxième coupure. Alors, j'ai choisi Boris Vian parce que, justement, en ce moment, on parle de guerre atomique. Donc, cette chanson-là, j'ai toujours aimé Boris Vian. J'aime le personnage, j'aime ce qu'il est. Et cette chanson-là, j'en avais fait un dessin animé pour FR3 il y a longtemps. Disons D'accord. que c'est presque une cinquantaine d'années. J'avais dessiné ça pour FR3. Voilà. Okay. Donc, c'est la Java des bombes atomiques de Boris Vian. Mon oncle, fameux bricoleur, faisait formateur des bombes atomiques. On y va. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour la troisième partie d'émission. Ou Charles, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre actualité sur le deuxième semestre 2022 et 2023? Oui, ben j'ai toujours des choses à faire, mais quand on dessine ou quand on écrit, il faut savoir que ce qu'on produit n'est pas forcément destiné à la publication. C'est-à-dire qu'il y a, un travail qui est comme un joueur d'accordéon, il faut faire des gammes. Donc je dessine des histoires qui sont absolument immontrables, mais qui sont pour moi. C'est-à-dire que si il arrive à se débloquer pour que ce soit quelque chose qui soit publiable, encore faut-il convaincre l'éditeur de le faire, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est destiné à publication. C'est-à-dire que, bon, bah, actuellement, par exemple, je travaille sur de la 3D ou sur des choses comme ça, c'est simplement pour progresser dans les techniques graphiques, parce qu'il y a toujours à apprendre. Voilà. En fait, vous créez tout le temps, mais pas forcément pour de la diffusion. Parce que j'ai des tiroirs complets de romans de tiroirs et de BD qui ne seront jamais publiés, parce que c'est sans intérêt. Mais dernièrement, il y a un de mes frères qui m'a piqué une BD, qui l'a publiée, qui a fait un tirage pour la famille, mais c'était quelque chose qui n'était pas réservé à publication. C'est, okay. Voilà. Bon. Donc pas d'actualité particulière du coup? Non. Okay. Bon, on a le temps. Okay. C'est pas... Alors, on va faire une troisième coupure musicale que vous allez aussi nous présenter, ce sera la dernière, et après on passera aux caprices de la semaine. Ben, en fait, j'ai toujours eu un faible pour Georges Brassens parce que qui est un grand poète et puis qui a un sens du verbe et aussi de la mélodie malgré tout ce qu'on dit. Et je suis quand même un peu triste maintenant que les jeunes ne développent pas le vocabulaire ou n'étudient pas la poésie. Enfin bon, il y a quand même une perte de la connaissance qui moi me navre. Voilà, c'est donc le vieux Georges avait du vocabulaire et de l'humour. Et comme j'avance en âge, forcément, je pense à mes prochaines séances. C'est pourquoi j'invite les auditeurs à écouter cette chanson qui s'appelle Les funérailles d'antan. Ok, alors on l'écoute tout de suite. Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues. Elles ont fait leur temps, les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards tombent au grand ouvert, emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine, des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait me passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où. Et même à la grande rigueur, ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil. L'époque des m'as-tu vu dans mon joli cercueil. Ou quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Caprice de lecture sur Fadjet. Dernière partie de cette émission où Charles Ancet va nous faire part de son caprice de la semaine. Charles, c'est à vous. Eh ben, bon, dans les auteurs que je relis souvent, c'est, j'aime beaucoup le travail de Jacques Tardy, qui est quand même un auteur de BD qui publie des tas d'affaires. Donc, les plus connus, c'est les extraordinaires histoires d'Adèle Blanc-Sec. Mais il a fait aussi un travail remarquable sur la guerre de 14-18 et aussi sur la... Son père, quand son père était prisonnier, il a fait des BD sur les Stalag, etc. C'est vraiment un auteur qui... Il a mis en image les romans de Léo Mallet. Mais c'est quelqu'un qui dessine Paris, mais vraiment comme personne ne l'a jamais fait. Vraiment, c'est extraordinaire. Mais il a un sens pour refaire les paysages qui est extraordinaire. Et il a fait des bandes dessinées sur New York, mais c'est vraiment ça, quoi. On est dans l'ambiance tout de suite. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que quand il dessine des romans, il ne trahit pas le roman. C'est-à-dire que les histoires de Léo Mallet ont été adaptées par la télévision, et souvent je trouve que les adaptations cinématographiques prennent beaucoup de liberté par rapport au roman. Il y a un vrai décalage en fait. Tandis que lui, ouais. on est vraiment dans le roman. C'est vraiment okay. C'est un travail remarquable, et bon, bah, je pense que beaucoup d'auditeurs le connaissent, mais vraiment c'est un coup de cœur comme ça, parce que j'ai relu dernièrement beaucoup de BD de Jacques Tardy. Voilà. D'accord. Merci Charles Ancet, encore une fois, d'avoir accepté cette invitation dans Caprice de lecture. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires. Au revoir. Au revoir.